Doublette suivante dans l'aspect française avec tout d'abord les locaux de Beyond the Sticks, le groupe de hardcore tourangeau qui nous sort un monstrueux troisième album studio, sobrement intitulé Sentence. Il porte très très bien son nom, c'est de la violence à l'état pur tout au long de cet album qui est une franche réussite, et on s'écoutera le titre d'ouverture d'ici, parce que bah, juste je le trouve très très bon et qu'il attaque très très bien ce troisième effort studio de nos Beyond locaux. Et dans la foulée, une autre nouveauté, première nouveauté de l'aspect française, Corruptors. La formation nous vient de la région bordelaise. On est sur du Blackening Death. Le groupe s'est formé il y a 2 jours. On retrouve notamment en guest vocal Maynard de Mutilation. On ne connaît que les initiales derrière l'identité de Corrupteurs. Ce sont des vétérans cependant de la scène extrême quand on voit un peu le pedigree. Premier album, musicalement death assez old school, teinté de black et d'une ambiance vraiment evil. Voilà, pour un rendu très réussi sur ce premier effort studio longue durée. Descent into Madness, c'est le nom de ce premier effort studio longue durée signé Corrupteurs. On écoutera le titre Darkest Light. This bandit prison prison roars. This prison everything they win nothing. Rise up! Avant-dernière doublette dans l'aspect française avec un des groupes les plus gloom qui soit à l'heure actuelle en France, Hangmanchair, le groupe de Doomigoth, qui sort son sixième effort studio, et tout comme Céleste, cet effort studio voit le jour sur le super label Nuclear Blast. Musicalement gothique doom, vachement sombre, vachement lancinant, avec même une approche un peu grunge à la sauce Alice in Chains. Voilà, une espèce de pseudo-bouffée d'oxygène dans l'aspect française de ce soir. Et en doublette avec Hangmanchair, une nouveauté que nous avons reçue par démarchage sur Facebook. Donc voilà, si vous êtes un groupe que vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. On prête attention à tout ce qu'on reçoit. Après, on diffuse ou on ne diffuse pas, mais on y reste attentif. Hawks and Bones, groupe de punk hardcore, speed punk hardcore qui nous vient de Rouen, actif depuis 2017. Après une démo, sortie il y a quelques années, ils sortent là un premier EP 8 titres. Notez pour l'anecdote et l'enrichissement que cette EP a été masterisée par l'américain Dan Randall, qui a notamment déjà bossé avec des formations telles que Warrest Nation, Iron Elgan et autres General Surgery, et que pendant près de 10 ans, ça a été le guitare vocaliste de Ghoul. Hawks and Bones, donc nouvelle EP. Pardon. Si, déjà disponible, je vérifie mes fiches, disponible depuis ce vendredi, le 11 février. Donc, Hangmanchair, l'album s'appelle Loner, on s'écoutait le morceau Loner. Et Hawks and Bones, Times of Reckoning, le nom de leur EP, on s'écoutait le titre Social Rampage. C'est parti. Thank you. Qu'est-ce que je les aime, ces grands écarts, deux salles, deux ambiances pour clôturer l'aspect française et retourner à l'aspect à la diff, pardon, international. Avec Dysmorphectomy tout d'abord, le groupe de le One Man Band même, de Brutal Slam Death qui nous vient de Rennes. Formation française qui sort là son quatrième effort studio. C'est toujours quali, c'est toujours ultra violent, c'est toujours très très bien fait, bien inspiré. Dysmorphectomy, puis en plus on retrouve toujours des guests sur ce que peut nous proposer Anthony. The Last Hateful Bastards, c'est le nom de ce nouvel effort de Dysmorphectomy, une autoprod prévue pour le 19 février. On s'écoute le titre Dragged, Hanged and Quartered. Et en doublette avec Dysmorphectomy pour passer donc à de nouveau à la diff internationale, Spitfire, vieille formation qui nous vient de Grèce. Heavy Hard Rock qui a vu le jour au milieu des années 80. Ils sortent là seulement leur troisième effort studio, ce que le groupe alterne les sorties d'albums et les breaks de presque une dizaine d'années à chaque fois. Ça reste bien solide en termes musical, c'est efficace et ça reste pas non plus trop baigné dans la naphtaline. Denial to Fall, c'est le nom de ce nouvel effort studio, et on se retrouve le morceau Naked Fire, c'est parti. Yeah. doublette qui nous vient du Middle-Est et de l'Est encore un peu plus lointain, avec tout d'abord Ace Flamen, formation russe de Black Folk, Black Mellow. Ils sortent là leur nouvel effort studio. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ace Flamen? Bon, c'est déjà un groupe qu'on a déjà pas mal diffusé et présenté, hein, deuxième album studio. Tout est chanté en russe, donc voilà, je vais vous épargner ça cependant sur le titre du morceau et le titre de l'album. Et en doublette avec Ace Flamen, les Suisses de Hot Brawl, groupe de Beatdown qui sort son second EP. Un petit set titre pour un gros quart d'heure de savatage de mâchoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben, pas grand-chose, ma foi. On va annoncer les titres d'album et d'EP. Ace Flamen, Follow Me. Voilà, comme disais, je vous fais la version anglaise, pas la version russe. On s'écoutera le morceau The Bonfires. Hot Brawl, le P s'intitule Big Smoke et on s'écoutera le titre Grim Reaper. C'est parti. We'll be right back. À la fin de l'émission Hellbanger de ce soir, vous êtes toujours bien à l'écoute du rendez-vous métal sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On attaque l'avant-dernière doublette et sur les 4 groupes qui nous restent à diffuser, il y a 3 nouveautés, à commencer par ce Death Cult formation récente qui a vu le jour du côté de la Suisse. Il y a quand même 12 ans d'existence, pardon, je me suis planté d'une ligne. Voilà, deuxième album, 6 ans après le précédent, et ça s'explique tout simplement par un important changement de line-up, puisque le guitare-vocaliste d'origine n'était autre que le chanteur-guitariste de Bolzer, qui a quitté le navire en 2016, donc voilà, le temps de restructurer un line-up, de se prendre une crise sanitaire, et voilà, Death Cult de retour sur les rails du studio. Musicalement, donc on est sur un death old school avec un Roland Black End qui vient piocher quelques inspirations sur la scène française avec des groupes tels que Venefiction ou autre Necrorage. On n'est pas encore sur le putrid death de Undergang, mais c'est un petit peu l'intention malgré tout. Of Soul Unearthed, c'est le nom de ce second Telfort studio de Death Cult. On s'écoutera le morceau Doxology and Putrescence. Et en doublette avec Death Cult, Ace Maze qui sort son nouvel effort studio Blinded by the Wicked. On s'écoutera le titre Divine Allotry. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Ace Maze? Bah, qu'on a commencé à diffuser il y a une ou deux semaines, je crois. Voilà, on est sur du Doomstoner suédois. De grosses inspirations Black Sabbath et quelques petits claviers orgue par-dessus pour donner une petite ambiance un peu plus grandiose. Death Cult, Ace Maze, c'est parti en avant-clôture de l'émission de ce soir. We'll be right back. Et l'on se quitte donc aujourd'hui avec une doublette de nouveautés bien extrêmes, avec tout d'abord Cryptospital. C'est un one-man band de Black. Ce one-man band de Black nous vient du Bélarus, actif depuis 2019, toute récente formation. Donc voilà, c'est là que j'ai fait la glissade avec Deathcult tout à l'heure, je me suis planté de ligne. Il est productif, le bonhomme, parce que c'est déjà son troisième effort studio de paru. Voilà, trois albums en 3 ans. Un Black plutôt atmo, mais qui reste assez soutenu en termes de rythme, avec quelques inspirations Epic Folk. Grand Est russe, évidemment, ce qui donne un petit aspect grandiloquent globalement à la musique. Voilà, c'est très créatif et ça reste très intéressant. Et le titre qu'on va diffuser, contre toute attente, ce n'est pas une reprise de Dissection. Oui, le mec, il a osé. Et en clôture de l'émission, Pestilectomie, c'est une récente formation de Brutal Slam Death, avec notamment l'ex-batteur de Chamber of Malice et l'ex-vocaliste de Decimated Humans. Après un EP et une démo, c'est là le premier album studio de la formation plus ou moins allemande. Et au niveau des guests, on retrouve par exemple le vocaliste de Cynotaph, Angelo Choa de Cephalotripsy ou encore l'ex-vocaliste de Splatterpuss. C'est parti donc pour la dernière doublette Cryptospital. L'album s'intitule Epitome of Dystopia. Le morceau donc Soul Reaper. Et Pestilectomy, From Vulnerable to Funerable, Relatified Records, c'est leur écurie, et on s'écoutera le titre Ministry of Molested Necrophiles, c'est parti. done, the Reverend says Jesus has forgiven me. Will you shut the fuck up, you baby-raping, sodomizing sack of shit?